prête à démarrer sur Skyrock. McTayer, Maître Gims, son Planète Rap. Let's go. Planète Rap exceptionnel sur Skyrock avec McTayer et Maître Gims. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planète Rap, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour une nouvelle soirée Planète Rap. Bienvenue à vous tous. Merci d'être là comme chaque soir sur Skyrock avec une semaine, une belle semaine. Hein. McTayer, Maître Gims. Gims est là en avance, Tailleur. C'est là en avance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il est dans les bouchons. Paris, hein, qu'est-ce que tu veux? Paris. Ouais, c'est ça, c'est Paris. Bon, on salue McTayer. D'ailleurs, pendant qu'il n'est pas là, profitons-en. Gims, ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire de pas très bien sur McTayer? C'est quoi son problème? C'est les retards? C'est quoi? Non, c'est un gars plutôt à l'heure. Peut-être qu'il est. Merde. C'est un perfectionniste, hein, attention. C'est vrai? Ouais. C'est peut-être son défaut. Trop perfectionniste. Oh, calculateur. Mais toi aussi en même temps? Moi, non, pas du tout. Je te jure que je suis pas un perfectionniste. Moi, je suis. T'es quoi, plus feeling, spontané, machin, plus. Je te jure. On m'a même reproché de négliger des fois, machin. Je termine pas si, machin. C'est le feeling. Moi, je suis pas du tout un perfectionniste. On t'a reproché de négliger. Ouais, on me dit que je glignais un peu les choses. Ça te ressemble pas pourtant. Ça me ressemble pas, mais bon, c'est comme ça que je suis, donc ça se voit pas. Ça se voit pas. Mais je suis moins perfectionniste que McTayer. Bon bah bienvenue en tout cas pour cette semaine. Comment ça va? En pleine forme? Super bien. Hier c'était. Je repense à la soirée d'hier. C'était une très belle soirée. C'est quelque chose. Et ça continue. On a bien démarré. Ça continue ce soir. Je sais pas ce qu'on mettra des extraits encore peut-être de McTayer. Bah il a dit. T'as bien entendu. Il a dit deux classiques par jour. Je sais pas quoi. Donc le gars a des classiques à balancer. Mais tu veux pas balancer tes classiques aussi à toi, Games? Tu veux pas balancer? Mais classiques aussi. Il y en a quelques-uns aussi maintenant. Hein. Ouais, il y en a pas mal. Hein. D'ailleurs les concerts. Attends, les concerts. Parce qu'on va parler aussi rapidement de la tournée, hein, puisque je reçois plein de mails. Hein. Je sais pas, vous avez vu un nombre de mails incroyable. Ah ouais, il y a déjà des gens qui ont acheté des places. Hein. C'est cool. Putain. Ah ouais, je peux te le dire parce qu'il y a plein de gens et on rappelle que si vous envoyez à l'adresse planetrap@skyrock.com vous gagnez full access backstage. Voilà, photo de catering. Photo de vos places de concert ou la capture d'écran de vos places de concert. Il y aura un tirage au sort vendredi dans l'émission. Voilà, et alors là, on sort vendredi pour gagner place de concert avec l'entrée en backstage. La joie et bonheur pour assister aux répètes. Le lundi, en plus, on mange ratatouille. Alors, ce sera peut-être pas le lundi qu'il faudra choisir. Peut-être un autre jour. Le tirage au sort, en tout cas, c'est vendredi. Mais pour revenir donc à ces concerts, toi, c'est hallucinant les concerts parce que c'est un immense karaoké géant maintenant, les concerts. Maintenant, c'est vrai que c'est un karaoké géant, c'est vrai. Quand tu fais le concert, c'est un truc de fou. Tu peux même t'asseoir et regarder les gens chanter. Tu peux t'asseoir et regarder les gens chanter. Et non, c'est impressionnant. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. C'est les meilleurs moments d'un artiste, hein, je pense. C'est vrai? Ah ouais, c'est dingue. C'est exceptionnel. C'est un truc. C'est dur, c'est fatigant, c'est éprouvant, mais c'est les meilleurs moments en même temps. Toi, la scène, c'est un truc que t'aimes? Oui, j'aime beaucoup la scène. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent être parfois en studio, justement, créer en studio. Non, moi j'aime beaucoup la scène. La scène, c'est exceptionnel. Parce que la scène, c'est la réalité. C'est la réalité, tu as les gens devant toi. Tu as ces gens-là qui t'écoutent tous les jours, qui t'ont acheté, qui ont patienté, qui ils sont là. C'est et là, tu sens d'ailleurs des choses différentes. Il y a des soirs où tu sens un peu moins le public ou des oui, soirs. Bah oui, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Ça se ressent tout de suite. Dès que tu arrives sur scène, tu sens tout de suite. Tout de suite, ça se ressent tout de suite. Bon, voilà. Après, tu connais, hein, tu connais les gens, tu connais la France. Après, les mentalités, etc. Bah écoute. Voilà. Espérons qu'elle change, hein. Espérons qu'elle change. Ouais. On sait jamais. 12 novembre, en tout cas, début de la tournée, ce sera au Zénith de Nantes. Au Zénith de Nantes. Et puis, gros Zénith. Une liste incroyable qui va. Ouais. Qui va aller jusqu'en 2016, 2017, 2018. J'en sais pas. Je sais pas, en fait. On va voir le succès. Je sais plus, quoi. On va voir ce qui se passe. Un Bercy qui est prévu aussi à pas louper de Gims. Ouais. Et si vous avez vos places, je rappelle donc planetrap@skyrock.com, tirage au sort vendredi dans l'émission. Avant de débuter, avant de balancer le morceau, laisse-moi te dire. Petit récapitulatif de ce qui s'est passé hier soir. Écoute, c'était hier soir en direct sur Skyrock. Quelle semaine dans Planète Rap avec d'un côté Monsieur McTayer qui est là, comment va? Ça va Fred, et toi? En pleine forme. En pleine forme. McTayer est là et Maître Gims aussi, de retour. Gims parmi nous, comment va? Ça va Fred. Alors ce petit séjour cubain? Ah bah magnifique, franchement, j'avais jamais vu Cuba d'aussi près. D'aussi près. C'est impressionnant le charme de cet endroit. T'as l'impression que tout s'est arrêté là-bas en fait. 20h-21h avec McTayer et Maître Gims. J'ai toujours été sûr de toi. Des larmes et de la peine autour de toi. J'ai grandi parmi les youvois. Skyrock à fond dans la turfoie. J'ai toujours été sûr de moi. Des larmes et de la peine autour de toi. C'est les planètes rap sur Skyrock. Après, on va revenir un petit peu, évidemment, sur votre histoire en commun à tous les deux, et puis sur cette signature, Gims. Ouais. Toi, tu le voulais, d'ailleurs. Tu voulais. Pour moi, je vais pas te mentir. C'était un peu. Je m'y attendais pas du tout. C'était inespéré, on va dire. Ça a choqué beaucoup de gens. Hein. Ouais. Ça a choqué beaucoup de gens. Je pense que c'est vraiment c'est l'artiste qui a apporté, j'ai envie de dire, une crédibilité vraiment au label. Tout le monde veut s'allumer, tout le monde veut se la mettre. C'est la fin des haricots, y'a plus de l'OP. 93 accords, levez les bras si vous êtes forts. C'était hier soir, en direct sur Skyrock. Question tient pour vous deux. Il y a un album en commun de prévu. Watch the Throne. On verra. Peut-être. Peut-être. Qui sait, non ? Qui sait ? Ce serait une expérience qui vous tenterait ou... Bien sûr, tu sais, on a tellement de retard sur les Américains. Je pense encore au Jay-Z, R. Kelly qui date des années. Voilà. Laisse tomber. Après, tu vois, c'est des mentalités qui. Best of both worlds. Laisse tomber, ouais. Incroyable. Bref, cet album. Il faut plus de trucs comme ça, je pense. D'ailleurs. Maître Gims dans Planète Rap. Ce soir je fais mon sang froid, j'ai le cœur qui chauffe comme la tête sous la chapka. L'industrie veut me hackal, mais moi j'ai la montagne de voyous. On s'en balaye le coup. Imagine, sans jeûne, sans gêne, qui fume la Marie-Jeanne, qui se fout de mourir jeune, encore une âme que Paname condamne. Imagine, un œil pour accueillir les pleurs, un cœur pour assumer l'effort, avoir une cellule pour demeure. Imagine, les USA qui face à l'Irak capitule, imagine la peine capitale. Imagine, moi plein de thunes, imagine, une arme de poing dans la main d'un enfant qui répond que sa mère est la femme battue du bâtiment. Imagine, le poing d'un Schmitt sur la gueule à ton père, ta vie natale sans repère, un tolard qu'on intolère. Imagine, verser une larme de bière pour les défunts, imagine un jeune qui s'acharne pour parvenir à ses fins. L'émission rap de référence, c'est Planète Rap sur Skyrock. Voilà, c'était hier soir dans l'émission. Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Rien, rire très discret. Il y a le Cameroun qui joue, il faut faire oui, un complexe. Oui, c'est vrai, il y a Malik Cameroun ce soir. Yes. Malik Cameroun, un petit pronostic, Gims? Je pense que les Camerounais vont faire du ça. Hein. C'est vrai? Bah, pour tes amis maliens aussi. Non, je soutiens mes amis maliens. Voilà. Moi, je suis pour le meilleur, moi. C'est le meilleur gagne. C'est vrai, tu as raison. Sur les Mali Cameroun, c'est un peu compliqué. Hein, ouais, parce ouais. que t'as des amis un peu partout, au Mali, au Cameroun. Donc, faire un pronostic, c'est toujours un peu gênant. Ouais, on suivra ça en tout cas ce soir avant 21h. Et puis, on attend aussi l'arrivée. Bah, en effet, c'est du sang camerounais qui coule dans ses veines, Mac Taylor. Donc, d'ici quelques minutes. Et on débute avec le morceau où vous êtes en commun sur ce titre. Laisse-moi te dire, c'est le premier extrait de l'album qui arrive le 20 avril. Hein. Le 20 avril, je suis une légende, Mac Taylor. Allez, c'est parti. Skyrock. Salut, c'est Mac Taylor. C'est Maître Gims. Skyrock, premier sur le rap. Sky. J'éteins ma télé, j'éteins ma lumière, puis j'éteins mes bougies. Je me rends compte que je suis seul et que tous mes amis, oui, sont partis trop vite. C'est tout. Y'en a qui ont simplement disparu, ouais. Comme tous ces frères qui se font tuer dans la rue. Je m'étais brûlé les ailes dans le ciel, parce que j'ai voulu grandir trop vite. On était plusieurs au départ, on voyait rien dans le blizzard. Oui. On cherchait la lumière, mais j'avais des potes à moi qu'on avait peur comme les stats. On a rendu fous nos darons, sauf que Sofia n'en avait pas. Sache petit frère que ce que tu vis dans ta vie, je l'ai vécu autrefois. Laisse-moi te dire que tu perdras, oui, la rue t'obligera à lui prouver. Le 20 avril dans les bacs, je suis une légende, Mac Taylor. Alors, femme qui au final ne t'aime pas. Un solo véritable. Du charme, oui, je t'ai vu dans ses bras. Laisse-moi te dire que tu perdras, oui, la rue t'obligera à lui prouver ton coup. Wesh la France! Charme, oui, je t'ai vu dans ses bras. J'ai grandi parmi les Youvois. Skyrock à fond dans la turvois. J'ai toujours été sûr de moi. Des larmes et de la peine autour de toi. J'ai grandi parmi les Youvois. Skyrock à fond dans la turvois. J'ai toujours été sûr de moi. Skyrock! Des larmes et de la peine autour de toi. J'éteins ma télé, j'éteins ma lumière. Et j'éteins mes bougies. Moi j'ai fait des gosses, Sofiane qui sort de début. C'est fou ce que le temps passe vite. Il veut des nouvelles de Mamadou, mais Mamadou nous a quittés. Il cherche des nouvelles de son ex, mais la belle il a, je l'ai mariée. Frérot, dehors, les choses ont changé. C'est au tour des petits frères de manger. Nous, on a fait notre temps, comme on a tout niqué. Comment c'est fait niquer? Il m'a dit, so, parle pour toi. Le 20 avril dans les bacs. Qu'elle est là pour toi. Donc sache, petit frère, que c'est MMC. Dans ta vie, je l'ai vécu autrefois. Laisse-moi te dire que tu perdras. Lui, la rue t'obligera à lui prouver ton courage. Et tu te bats pour une femme qui, au final, ne t'aime pas. La rue te fait du charme. Je suis une légende, Mac Taylor, le 20 avril dans les bacs. Ah! Laisse-moi te dire que tu perdras. Lui, la rue t'obligera à lui prouver ton courage. Oui, je t'ai vu dans ses bras. J'ai grandi parmi les Youvois. Skyrock à fond dans la turfoie. J'ai toujours été sûr de moi. Dédicace à mon gaba Didi. J'ai grandi parmi les Youvois. Skyrock à fond dans la turfoie. J'ai toujours été sûr de moi. Des larmes et de la peine autour de toi. Black House. Reggae Wanna Know, Maître Gims, numéro 1. Monstre Marin Corporation, je suis une légende, Mac Taylor, le 20 avril dans les bacs. Alors, à l'instant, c'est... merci pour cette jolie version Skyrock en plus. Ça. Défonce. On a fait ça hier. Enregistré hier soir, hein. Déjà à l'antenne. Le morceau de Mac Taylor et Maître Gims, laisse-moi te dire. Et il vient d'arriver à la fin de son morceau. Ça, c'est de la classe. Moi, ça, c'est de la classe. Moi, j'appelle ça. C'est... Il a préparé le coup. Il a préparé le coup, c'est pas possible. Arrivé pile poil à la fin du morceau. Qu'est-ce que t'as perdu un truc? Ça va? En forme? Ah, on court. Hein. Bah, je vois ça. Nous, on est entre les mix et Planet Rap. Ouais. Ah, c'était journée mix aujourd'hui? Ouais, c'était journée mix, ouais. Donc, ça veut dire que l'album est fini? Ça veut dire que ça peut vouloir dire ça. Ou alors, c'était juste mixer un morceau. Des fois, c'est mixé, il y en a mix trois fois les morceaux. Y en a mix, bah oui, là, ça fait moins trois jours, on est sur le même mix là. Tu vois, c'est grave. Changer, j'en avais eu 7 des mix, je me rappelle moi. Changer, qui te rechangeait, il y avait plein de mix. Alors, c'est quoi le problème? C'est plus la voix en avant. Et au final, tu reviens sur le premier mix des fois. C'est vrai. Mais après, je pense que c'est le truc, c'est pouvoir prendre du recul par rapport même à son morceau, se dire bon. Voilà, même sur déjà les parties paroles, la façon de poser, etc. Et puis après la partie mix en se disant bah je préfère ça. Je pense que c'est la partie aussi la plus compliquée quoi. La plus compliquée parce que tu peux faire des bons titres et après faire un mauvais mix et niquer ton disque. J'ai toujours fui les mix moi. J'ai jamais. Il faut patienter, il faut être là. L'ingé son il est là, il mixe, il fait des trucs bizarres, c'est pas ce qui se passe. Il se met dans des positions cheloues. Il y a des morceaux justement, Gims, sur l'ensemble de ta carrière, que ce soit avec la section et tout, où tu regrettes le mix, tu dis merde, peut-être celui-ci il aurait peut-être un peu plus pété. Il y en a toujours un petit peu, surtout dans les débuts. Bien sûr, t'as toujours des regrets. Mmh. C'est évolué, tu dis ouais, celui-là j'aurais mixé comme ça. J'aurais plus vu comme ça, etc. Et sur l'album solo par exemple, sur Subliminal, non, il n'y a pas eu de. Je suis assez content du mix. Dans Subliminal. Franchement, je suis assez content du mix. Ouais. Bah après, tu trouves toujours un truc, tu sais. Je me réécoute Subliminal, j'écoute des titres, j'entends des titres, je me dis, ah ouais, là, j'aurais pu faire ça. Tu sais, t'as toujours un. Ouais. Tu veux toujours optimiser. Par exemple, laisse-moi te dire, quand vous l'écoutez, ça va? Bah oui, non. Content du résultat, vous dites pas merde, on aurait dû faire autre chose. Peut-être dans deux piges, on trouve. Ouais, dans des nouvelles sciences, on va dire non, en vrai. Ah, non, pires, science, ouais. Faire passer. Il y avait celui-ci. Bon, on disait avec Gims, j'ai essayé de lui dire deux, trois trucs sur toi tout à l'heure. Il a rien lâché, il a dit non. Si, le seul truc, il dit, peut-être son seul défaut, c'est d'être trop perfectionniste. Non, mais on fait à l'instant. On se rend moins la tête, là. C'est vrai? Là, c'est trop, ouais. Sinon, on n'en finit jamais. Regarde, là, ça fait trois jours, je suis sur un mix. Après, je dis, il faut que je lâche l'affaire. Ça, c'est bon. C'est bon, le mix. C'était bon, quoi? Un morceau ou c'était? C'est un morceau. Qui s'appelle? On peut savoir ou c'est trop tôt? T'es dur, hein? Bah, attends, pour savoir ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est le mix avancé, ça plaît à qui la faute? À qui la faute? Qu'on pourra découvrir prochainement et qui sera sur son album qui sort le 20 avril. Oui. Mac Taylor avec nous, Maître Gims aussi. Qu'est-ce qu'on met comme morceau alors, messieurs? On avait dit alors chaque soir deux classiques et. On avait dit il y a du classique, il y a du. Ouais. Moi j'aimerais remettre 93 Hardcore et un nouveau classique. Bah, très bonne idée. Un nouveau classique, je remets 93 Hardcore. Donc ça c'est un vrai morceau classique celui-ci. Ah, là, c'est clair, ouais.

en mode monstre marin. El General et Chico, Maître James, McTayer et McGregor. Levez les bras si vous êtes froid. On va faire mal en 2015. Nouvelle ère. 93 hardcore. Oui, oui. 93 hardcore. 93 hardcore à l'instant. Yes, yes. Tandem avec Mac Taylor avec nous aussi ce soir. Maître Gims, tous les soirs de la semaine entre 20h et 21h. Le Planet Rap où en effet on parle de, bah, du label, hein, ouais. Ton label, Monstre Marin. Monstre Marin Corporation. Corporation, où tu as signé donc Gims, c'est Gims, j'allais dire. Tu as signé déjà Mac Taylor avec l'album qui arrive le 20 avril prochain, à pas louper. Je suis une légende, l'album de Mac Taylor. On trouvera donc le morceau aussi avec lequel on débute. Laisse-moi te dire. Le clip qui arrive bientôt d'ailleurs. Le clip que vous avez tourné là. Le clip arrive exactement vendredi prochain. Ah, ça y est, c'est vendredi prochain. Ouais. Voilà. Donc, pas celui-ci, qui vient, l'autre. De la semaine d'après. Okay. Semaine pro, il y aura enfin les images que vous avez tournées à Cuba. Okay. Ouais. On le disait hier, et tiens, en parlant un petit peu de voyager un petit peu dans le monde, match de foot ce soir à la Cannes. Ouais, avec un pays qui tient à cœur. Cameroun qui joue. Mali, Cameroun. Combien vos mots? 0-0. 0-0 pour l'instant. On va gagner. C'est petit pronostic. Certitude. Facile, facilement. 1-0 ou 2-0. C'est 1 ou 2-0. 1 ou 2-0. Très bien, on suivra ça tout à l'heure. Non, c'est toi qui l'arsène. En fait, on va saluer l'Inso qui est dans le coin aussi. Belgique qui est là aussi avec nous. Les monstres marins sont partout. Et ce soir, entre 20 et 21 dans Planet Rap, on va revenir dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on met comme morceau, messieurs? Il y a un live de prévu aussi, tu m'as dit. Oui, je vais interpréter un petit titre tout à l'heure en live. Okay. Et là, on va balancer un nouveau classique. J'avais fait une grosse compile à l'époque, même on s'était vu. Je te l'avais fait écouter en exclu à l'ancienne, il y a plus de 10 ans. C'était Patrimoine du Ghetto. Ah, Patrimoine du Ghetto. Mmh. Et incroyable aussi cet album, celui-ci. Ouais. Ben, il était lourd. Et là, on va mettre le titre éponyme de ce disque. Avec Kerry James, Patrimoine du Ghetto. Il y avait un clip aussi pareil qui avait été fait quand on parlait d'images hier, la façon dont vous pouvez appréhender le cinéma aussi avec Kerry, le clip que vous aviez fait autour de ce morceau aussi, qu'on peut toujours voir, je crois, hein, qui est toujours. Ouais, toujours disponible sur YouTube. C'est un classique, c'était dans les premiers films premiers clips cinématographiques avec la trilogie, tout ça. Ouais. Et je pense que voilà, c'est un clip qui est resté dans le rap français, que même des générations qui n'étaient qui n'étaient pas très grandes à cette époque connaissent aujourd'hui. Voilà. Le morceau Patrimoine du Ghetto. Avec Kerry et Mac Taylor. Et tiens, il y a des gens aussi, beaucoup de demandes depuis hier, je vois ça pour toi, Gims, à propos de Fuck Ramsès. Fuck Ramsès. Alors, Fuck Ramsès, c'est la continuité de mes séries Ceci n'est pas un clip. Ouais. Donc là, c'est donc la partie 7. Petit freestyle que tu balances. Voilà. Sur le net. Freestyle vidéo, ça ressemble à un clip, mais ce n'est pas un clip, tout simplement. Est-ce qu'il y a une suite? Il y a des gens qui demandent c'est quoi? C'est des extraits d'un album solo, d'un album à plusieurs, d'un album en duo? Pour l'instant, c'est une vidéo que je vais lancer. Ceci n'est pas un clip. J'avais fait la même chose avec Subliminal. Ensuite, j'ai repris certains Ceci n'est pas un clip pour les mettre dans l'album. Donc voilà, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que voilà, je vais les balancer. Et là, je suis en train de préparer le clip de Fuck Ramsès. Donc là, c'est quoi? C'est juste un petit plaisir en studio, tu balances, c'est un plaisir en studio, voilà, qu'on balance, qu'on plaisir et qu'on clip, que je vais clipper. Donc avec mon équipe, Daylight, Rachel et Stick. Donc ils sont très lourds, voilà. D'ailleurs ils sont là, il faut leur faire tout simplement. Dédicace. Yeah, yeah, yeah. Voilà. C'est les meilleurs, équipe. C'est les numéros 1, la grosse équipe. C'est eux qui font aussi depuis le clip le collège, depuis la 6e, l'équipe. C'est une histoire de potes. Ouais, c'est une histoire de potes. En 6e, trop. Ils ont monté aussi le site de Demolition aussi. Ils ont monté Demolition. Voilà. C'est eux qui ont tué Dailymotion. C'est vrai, ça a marché en même temps. Et donc le clip, c'est aussi eux qui l'ont fait de Laisse-moi te dire qu'on découvrira dans la semaine prochaine. C'est aussi, exactement. Bougez pas dans un instant. On va revenir avec Mac Taylor, avec Maître Gims sur Skyrock. On balancera ce morceau aussi avec Kerry James, Patrimoine du Ghetto après ça. Ladies and gentlemen. Ce soir, Skyrock reçoit Mac Taylor, Maître Gims, pour une heure d'exclus et de total direct. C'est maintenant sur Skyrock. Bonne soirée à vous tous, c'est Planet Rap avec Mac. Oh là, ça va pas mieux, hein? Ah ouais, j'ai une toux sèche là de fou. Mais ça va aller. Jusqu'à la fin, jusqu'à vendredi. On va tenir. Tu vas essayer de tenir. On boit du sirop. Mac Taylor, Maître Gims avec nous entre 20 et 21. Puis c'est aussi l'occasion de se surplonger dans vos histoires musicales communes. Ouais. Ou pas d'ailleurs, séparément. Ça va être le cas avec Patrimoine du Ghetto. Donc rappelons-nous, c'est quand? Il y a une dizaine d'années, Patrimoine du Ghetto. 2005. C'est 2000, bah ouais, 10 ans. 10 ans. 10 ans pile poil. Ouais. Dans quel état d'esprit t'es? Pourquoi tu décides de faire cet album? Parce que moi, j'avais grandi avec une j'avais grandi avec la mentalité un peu IAM, qui était un groupe qui ralliait beaucoup le rap français, qui faisait beaucoup de compiles, tout ça. Et donc, pour moi, j'ai grandi dans ça. Première classe, Mission Suicide. Donc, quand j'ai eu l'opportunité d'unir à ma façon le rap français, ben, je l'ai fait direct. Bon, faut dire qu'il y a beaucoup de monde, hein, dessus. Ouais, il y avait tout le monde. Il y avait Akhenaton, Abouba, La Rumeur à l'ancienne, 113, tous les rappeurs il y avait de toutes les écoles en plus. Tu vois, et c'était pas que sur un style de rap bien précis. Il y avait des moins connus aussi. On a permis à des moins connus aussi de se faire connaître. C'était bien. C'était compliqué à monter ou pas déjà il y a une dizaine d'années? Non, simple. Non. T'appelais les gens, disais voilà, j'ai pensé à ça. Je pense qu'une compile, c'est plus difficile à monter aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, l'esprit était beaucoup plus hip-hop. Les gens avaient une facilité à partager le micro et à partager la vibe. Et voilà, ça s'était fait facilement. En un mois, je l'avais fait. C'était 2005. Ouais. 2005, Gims, toi, tu faisais quoi? Ah, 2005, ben, on subissait tout ça, nous. on est éduqué par ça, nous. On prend des coups. Donc, 2005, on gratte, évidemment, ça rappelait déjà aussi. Bien hein. sûr, bien sûr. La terre du milieu. Au laboratoire, avec la terre du milieu. Exactement, avec la terre du milieu qu'on grave nous-mêmes, qu'on enregistre, Mike Mikko. Ça va en main à la main aussi. Macadam. Ça va en main à la main, 5 euros. Toutes les productions sorties du labo à Toutes l'époque. Toutes les productions sorties du labo chez Macadam, Mikko Chaussette. Il y avait un spot en particulier où vous vendiez plus ou pas Châtelet-Léal. Je sais qu'il y avait le Stade de France aussi, vous alliez vendre au Stade de France. Ouais, partout. Le Stade de France, même dans des cités, dans des banlieues, partout. On allait partout. Franchement, c'est un vrai coup de terrain, section d'assaut. C'est vrai, hein. Non, mais on s'en rend pas compte parce qu'on a l'impression que, voilà, depuis quelques années, c'est le gros bon carton section d'assaut, mais il y a eu tout un travail en amont. Et grave, il y a vraiment un travail, hein. C'est pas, s'il y a vraiment quelque chose. Les fondations, tu vois, ce qu'on appelle les fondations, on a commencé là-bas. Quand on lit aussi le bouquin de Section d'Assaut, où vous revenez sur des épisodes, où parfois vous alliez rappeler des endroits en disant on est les plus forts, et vous repartiez en disant waouh, il y a encore un peu de boulot. Voilà, exactement. C'était des battles, ça c'était au bateau phare. On allait là-bas au bateau phare, t'avais tout. Donc vous y alliez plein de confiance. Les mecs du 9-1, du 9-2, des machins, c'était la guerre au mic, tu vois, c'était un truc de fou. C'était open mic, tu lèves la main, tu montes, tu fais ton freestyle. Tu faisais aussi, toi, un peu Mac Taylor, il y a eu des époques open mic ou t'es une autre génération, ouais, plus. Ouais, moi, non, j'ai pas trop connu cette. En fait, moi, les open mic, je les ai connus à l'époque des freestyle sur couvre-feu. Avec Jackie. Rue des Petites Écuries, tu vois, la base. Jackie, voilà. Ah ouais. T'entends pas ou quoi? Yeah! Ça faisait sans cri là. Allez, on va écouter, on se replonge en 2005. C'était une dizaine d'années avec cet album Patrimoine du Ghetto. Morceau Mac Taylor et Kerry James. Ouais, allô? Ouais, on dit Blédard. Bien ou quoi? Ouais, je suis vers Robert là, en voiture. Attends. Ok, vas-y. Attends, il y a un mec qui me regarde depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il veut lui? Hey. Mais qu'est-ce que tu me veux, Renoir? Qu'est-ce que tu me regardes? Quoi? Un problème ou quoi? Pourquoi tu me dévisages, hein? Mais t'es malade ou quoi? Depuis tout à l'heure, t'es là. T'arrêtes pas de me fixer. Si jamais tu te demandes qui c'est, Renoir, tu vas être fixé. Ah bon, tu crois me pétrifier? Mais je suis ce noir qui vient d'Opère et qui fait trembler l'Elysée. Me parle pas man, man. M'appelle pas man, man. Je suis pas rasta, man. Ok, basta, là tu fais mal au crâne, man. Tu peux venir d'où tu veux, ramener qui tu veux. Banlieue sud, trop nerveux, trop dangereux. Jamais, t'as rien d'un voyou, t'es juste une voyelle. Je roule triple 6 au compteur sur l'autoroute criminelle. Et qu'est-ce que t'as à dire, mec? Pas grand chose, mais je sais ce que j'ai à faire, mec. Quand il s'agit de faire parler le fer, mec. Beaucoup en parlent, mais combien peuvent le faire, mec? C'est clair, mais si je sors le club, c'est dead, mec. Pour toi ainsi que tous les frères qui manquent de respect. Mais tu m'énerves presque, t'as l'air de dire que je pourrais regretter mon geste. Classique. Remords dans nos pulsions meurtrières. 93. On est en 2005, mec. Fais ta tête, c'est fini. Et quand on rentre en guerre, c'est jusqu'au finish. J'ai perdu trop de potes et je me suis juré. 9-3-94. Je tirerai pour tuer le général. Des visages pas les deux hommes au fiche. Elle reste tranquille ou viens qu'on partage une chicha. Avec la mort on ne triche pas. Pour ceux qui ne pichent pas, on voudrait être de ceux que les pulsions ne dirigent pas. M'oblige pas. des visages par les deux hommes au fiche. Elle reste tranquille ou bien qu'on partage une chicha. Avec la mort on ne triche pas. Pour ceux qui ne pigent pas, on voudrait être de ceux que les pulsions ne dirigent pas. M'oblige pas. Parlons en homme, t'as une arme à la ceinture. T'as vu la mienne? 15 coups pour une seule ordure. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va pas parler pendant des heures. On s'allume, nos vies s'éteignent et nos familles pleurent. Quoi, c'est moi que tu menaces? Je crois que tu devras t'écaler devant le T-Max et le casque intégral. Te faire une teinture, raser le mur et tirer profil par Renoir. Trouve un terrain d'entente avant que je tire sur ton gang. Hey, je te menace pas, je te promets. Arrives-tu à faire la différence? Je t'ai localisé, je te connais. Alors vaut mieux qu'on fasse preuve de bon sens. Classique. Je connais tout, et qui? A-t-on chose que l'ensemble? Il me semble déjà t'avoir vu et croisé sur les champs. T'inquiète, je connais ton pote qu'on appelle Joe le balafré. Quelques gars de chez toi sont en affaire avec les gars de chez moi. Juste en bas de chez moi, et l'arme que t'as sur toi. Je suis presque sûr qu'elle aussi, elle vient de chez moi. Elle vient de chez toi, mais elle tire sur toi. Donc sois raisonnable, négro, parce qu'on meurt qu'une fois. Tu sais tes frères reposent en paix à l'heure où qu'on parle. Qu'allons-nous faire? Va-t-on les rejoindre parce qu'on est trop fiers? Merde, c'est difficile de s'en remettre, tu dois le savoir, mec. Si la violence nous engraine, ça sera le drame, frère. Ouais, c'est qui là? Allô, So. Ah, Joe, c'est toi? Ouais. Attends, je règle un problème là, je te rappelle. Des visages par les deux hommes au fiche. Elle reste tranquille ou bien qu'on partage une chicha. Avec la mort on ne triche pas. Pour ceux qui ne pigent pas, on voudrait être de ceux que les pulsions ne dirigent pas. M'oblige pas. Des visages par les deux hommes au fiche. Elle reste tranquille ou bien qu'on partage une chicha. Avec la mort on ne triche pas. Pour ceux qui ne pigent pas, on voudrait être de ceux que les pulsions ne dirigent pas. M'oblige pas. 7-7-7-8-9-5-7-5. Ne vois-tu pas qu'on est tous dans le même bateau? On a les mêmes souffrances, on a la même peine, la même haine. On vient tous du même ghetto. 7-7-7-8-9-5-7-5. Ne vois-tu pas qu'on est tous dans le même bateau? On a les mêmes souffrances, on a la même peine, la même haine. On vient tous du même ghetto. 9-4-9-3, toutes les banlieues en France. Quoi que t'en penses, on est tous dans le même bateau. Pourquoi s'entretuer, pourquoi s'assassiner, alors qu'on vient tous du même ghetto? 9-4-9-3 et toutes les banlieues en France. Quoi que t'en penses, on est tous dans le même bateau. Pourquoi s'entretuer, pourquoi s'assassiner, alors qu'on vient tous du même ghetto? Bébé, c'est 3. Patrimoine du ghetto avec Mike Taylor, avec Kerry James. C'est sur le projet d'ailleurs Patrimoine du ghetto. On peut toujours le trouver ou pas, Mike Taylor, ou c'est compliqué? Non, je pense qu'il n'est plus disponible. Peut-être sur eBay. Ouais, peut-être. Ouais. Ceux qui veulent faire un peu de bif, c'est bon, cher, jamais ce soir, ça. Allez-y. C'est extrait de Patrimoine du ghetto à l'instant sur Skyrock entre 20 et 21. Le Planet Rap avec Mike Taylor, Maître Gims. Dans un instant, tu nous feras un peu de live. Ouais, je ferai un petit live tout à l'heure. Et un morceau de Gims, qui est, on est retourné. Enfin, de Section d'Assaut. De Section d'Assaut. Ouais, de Section d'Assaut. Je voulais qu'on se rejoue un truc de l'école des points vitaux. Très bien. Un morceau qui est devenu un gimmick, une façon de parler. Mm-hmm, c'est vrai. Un truc qu'on a popularisé. Le morceau il s'appelle Mon gars sûr. Mon gars sûr. Mon gars certain, mon gars soin, mon gars propre. L'école des points vitaux, on se replongera dessus dans un instant. Et juste avant, on est avec Nino de Clermont. Salut Nino. Ouais, salut Fred. Ça va bien Nino? Ouais, ça va et toi? Eh ben écoute, en pleine forme, je te présente Mike Taylor, Maître Gims. Salut. Ouais, salut, bien. Salut. Tu es prêt à rapper, Nino? Ouais, je suis prêt. En direct de Clermont-Ferrand, c'est parti, c'est sur Freestyle. Ouais, ouais. Ok. Hein? Eh! Balance la brosse, clique, brasse les limites. Passe le match, fais pas si minique. Ne compare pas, je délimite les limites. Cheat crack et dès qu'il est semi-limite. Depuis mes 12 prix, je les rafale tous. Minogique réveillé en creux de perquis. À ma tous, celle là, je la pars tous. Pour qu'on s'exile, dis nos pères et nos mères. Chris Gates, salut à la gueule, qui peut qui ça. Tiens, peut-être qui paraît que tu piques sale. Bête, petit et gros, qui kirche les minigos. Drape sur un PD, saligo, j'élimine les maçons en compasson. Tu perds tes couilles dans le feu de l'action. Charge le 3-5-7, on s'en bat les couilles. Toutes tes tractions passent à la veuca. Et moi, tu seras pas le minimum 4 chargeurs dans la boca. J'ai pas son freestyle, que vous m'attendez pas à taille. Vous baisserez même en radio locale. Très la frappe est locale, visière bolo, ça l'a l'air gothique. Quand ils servent de se pavaner sur les gens, moi, je préfère les gens de narcotiques. J'ai vocal à la mini-limite, on m'a éliminé par les ghettos, éliminé par les zéro minimisés. Sur les kilos, c'est les mandats, les motifs, c'est éliminé. J'en ai aussi, dans les fleurs, je suis pas juste, je rappelle au micro. Tous les rappeurs, je rappelle dans la mêlée, les gars, la ville, si moi, j'élimine, les éliminés, ma ligne, ma caramie, le canal, agonie, dans les games, dans la mini, tous les gars, va s'en bas le mener. Ré! Ok Nino, à l'instant de Mitraille Flo, hein. Ah Mitraille Mitraille Flo, hein. Tech 9, hein. Tech 9. Ah, ouais. Eh ben merci à toi Nino, on peut te retrouver sur le net, tu veux balancer 2-3 dédicaces, vas-y. Ouais, sur Facebook, vous pouvez me retrouver sur ma page. La page c'est Nino. Sur Twitter, Nino Musique, Instagram Nino Musique. Nino Musique. Parfait. Ouais. Et je fais des dédicaces aussi à tous les quartiers nord de Clermont, soit Yacine qui m'écoute, là mon petit frère. Je fais une dédicace à Nora, je fais une dédicace à Lofi, à Tim qui m'écoute, à Brasil, à tous les mecs de FBT, tous les mecs de la ville, tous les mecs de la Fontaine, tout ça, à tous les temps, bon, je vais. Merci à toi Nino. Merci à vous. Passez une bonne soirée. C'est le Planet Rap consacré à Mac Taylor, Maître Gims. On va se replonger. Donc là, c'est quoi? On est en 2010. Section d'assaut. Il y a eu l'écrasement de tête. Il y a eu l'écrasement de tête. Le renouveau. Le renouveau. La terre du milieu. La terre du milieu. Donc là, le buzz. Le buzz commence voilà, à prendre ça, sérieusement. Ça prend sérieusement. Ah non, là, depuis l'écrasement de tête, c'est quand même mieux. Voilà, depuis l'écrasement de tête, déjà, ça commençait à crier partout. Ça commençait à venir. Les fondations étaient déjà faites. Et donc, on arrive avec l'école des points vitaux. Ça pareil, bon souvenir le moment d'enregistrement de cet album. Ouais, vraiment, c'est un truc de fou. Ce ouais. Là, c'était magique, c'était exceptionnel ce qui se passait en ce moment-là. On était vraiment connectés de ouf, quoi. C'était exceptionnel. Et donc, sur l'album où il y a aussi des titres évidemment qu'on a beaucoup diffusé comme Casquette à l'envers. Casquette à l'envers, What by Night. What by Night. Il y a aussi un morceau qui s'appelle Mon gars sûr qui est devenu une expression. Mon gars sûr, exactement. On le balance maintenant? Maintenant, ouais. Allez, c'est parti. Après, il y a le live de Mac Taylor sur Skyrock. Ok. Sur l'assaut. Voilà, now. Depuis la terre du milieu, rien que ça kick. Passe un coup de fil à ceux qui nous prenaient pour des types. Dis-leur que t'as vu la couleur du projet, que t'as pris des coups à décrocher. Pas le temps d'être cool ou causer, passe-nous le titre. Paris Nord, mon gars sûr, mon gars sûr, sûr. Mon gars, mon gars sûr, mon gars sûr, mon gars sûr. Mon gars, mon gars sûr. Neuvième zone. Mon gars sûr, mon gars sûr, mon gars sûr, mon gars sûr. Mon gars, mon gars sûr. Dégagez, bande d'imbéciles. J'ignore ce que veut dire impossible. Parlez pas de love and peace. Moi, je suis le taser dans une piscine. Mettre ton esprit de meurtre figé. Tout comme ces petits jeunes compigeons. Avec Paris Saint, je fusionne. Ne compte en pétition. Une tisane. Tu vas goûter le sol, espèce de petit con. Je t'envoie dans le décor. Je suis négligé, pourtant je suis King Kong dans un petit corps. Maintenant les petites bourgeoises, tu sais, n'écoute plus pop. J'amène des choses d'ailleurs. My name is Cowboy Bebop. Dans ce putain de jeu, je suis guidé. J'ai déjà l'impression que j'ai tout dit. J'arrête après le feat avec le Slim Shady. Pour ceux qui ont pris des piges, des tiges, laisse-moi finir. Pour les gosses qui te sautent dessus comme Blue Piper Phoebe. Depuis la terre du milieu, rien que ça kick. Passe un coup de fil à ceux qui nous prenaient pour des types. Dis-leur que t'as vu la couleur du projet. Que t'as pris des coups à décrocher. Pas le temps d'être cool ou causer, passe-nous le titre. Giro Chrome, joue pas trop, tu risques de perdre section d'assaut. On se tape avec des estomacs qui viennent du bled paro. Bouillon nerveux en 2010, faut qu'on se répète. Les points sont trop dangereux, t'as un coup de perceuse dans la tête. Passe une clope, je fais smog du M, si M, flash troc, devant le bloc du L, sirène. One shot, pas de flop, les gars, je dégaine. Frappe, frappe, coup de crosse, t'y restes. Oh no, Big Black M. Ils écrivent tous les What Happened que j'avais écrites la veille. Je vais te faire un kiff, je vais kicker, je vais faire la diff. Mais ne me demande pas en feed ou prépare un What He Beef. Je crois que c'est un signe, je crois qu'il s'en fout plein le pif. Depuis que son équipe a signé, moi perso je peux plus le pif. C'est ça, pas pour la bourgeoisie qui boit du champagne. Mais vous, tous les ghetto youth qui se pètent des cheveux flats. S'il y avait pas de public comme au début, dans ma matrice je tente des flots bizarres comme ODB. Si on est dans le son, c'est pas pour qu'on dise qu'on a le truc. À peu près. Des fois, ce que t'as du mal à voir venir comme les deux. Oui, tous ces rappeurs qui posent, ça sonne pas pro. Oui, y'a des hommes qui s'enculent au sens peu pro. Ouh. Où j'ai graillé le pain sur la planche, regarde-moi bien, je suis rare, t'as un noix d'hiver. Belgique, la terre du milieu, rien que ça kick. Passe un coup de fil à ceux qui nous prenaient pour des types. Dis-leur, t'as vu la couleur du projet, tu l'as pris des coups bas, décroché, pas le temps d'être cool ou causé par tout le titre. Mon gars sûr, ça c'est pour mon gars sûr, Dawa qui se dévoue. Et pour les côtes de ceux sur qui les déguisent des foules. Tous on attire des foules, mais dans trop mon défraud des fous. Si tu crois que tu vas me voir, on va dire trop des fous. XION, v'là le dernier, j'ai pro qui sort. Je t'aurais dit, t'as qu'à passer nous voir, mais j'ai perdu du sang. C'est pour la famille, les amis, présents depuis v'là les années qui sont salis, malgré qu'ils savent que ça allait être salé. 2010, ça s'annonce violent. La concu va nous traiter de salons. Ils veulent du cocktail mollo flow, tu penses qu'on ira mollo fond. Pas de direction mollo fond, que des vérités à te faire mal au front. Deviens mal le son, je te la fais. Et ça devient mal le sein. On a fait v'là les sons, je te l'affirme. Et on reste menaçant. Depuis la terre du milieu, rien que ça kick. Passe un coup de fil à ceux qui nous prenaient pour des types. Dis-leur, t'as vu la couleur du projet. Qu'elle a pris des coups, va décrocher. Pas tant d'être cool, causé pas ce tout tir. Aïe, pour nos gars souples, poteau. Nos gars soins. Nos gars doux, nos gars froids. Nos gars bré. Nos gars sains. Yeah. Section d'assaut, l'école des points vitaux à l'instant avec mon gars sûr. C'est extrait de cet album, un petit retour en arrière cette semaine aussi. On revient sur la discographie de chacun, de Mac Taylor, de Gims avec la section, c'est ce qu'on écoutait à l'instant sur Skyrock. Avant de faire tourner la roulette, inscription 41759, des places tiens pour aller voir Black M en tournée dans toute la France. Est-ce que tu es prêt pour le live? Ouais. Mac Taylor en live, c'est quoi un morceau Freestyle Untouchable G, c'est un truc que j'ai sorti il y a peut-être quelques semaines. Je te l'ai même pas envoyé pour le mettre sur la nature. Je t'envoie ça ce soir. Alors je garde celui-ci. Voilà. Là on c'est va faire du sale. Voilà, faire du sale. On va faire le live. Allez, c'est parti live dans Planète Rap maintenant sur Skyrock. Mac Taylor. Touchable. Gia, El Generale. Chic, chic, chic. Le balafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. Le balafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. Hier, ça avait tiré sur Watt, j'en attendais pas plus que ça. Le balafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. 2.5 la cala, faut bien la rentabiliser. Si tu m'as pris pour les autres rappeurs, c'est que tu m'as mal analysé. Ce négro m'embrouillé en boîte, mais t'inquiète, je l'ai localisé. Demain je pète sa porte, même devant sa mère, on va le brutaliser. Moi je vends toujours cette substance qui n'est pas légalisée. Toi les keufs t'ont pété bêtement dans une voiture banalisée. N'essaie pas de me la mettre à l'envers, bébé, j'ai déjà le cœur brisé. Si j'essaie de m'approcher de la prière, c'est pour me stabiliser. Mais putain, elle est trop bonne pour me canaliser. T'as trop fait le fou sur la canne, je veux la paralyser. La concurrence a tout visé, chaud. Avec moi faut pas rivaliser, chaud. À l'ancienne, quand tu rentrais dans une banquette, c'était pour la dévaliser. Le balafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. MMC. Le balafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. Hier, t'as tiré sur Watt, j'en attendais pas plus que ça. Non. Le balafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. Let's get it. Depuis l'adolescence, ma vie c'est que du rap et de la délinquance. Si deux, trois gaillards veulent me guérir, j'perds pas mes couilles, je pense. j'ai grandi avec. Mon flow vient toujours de Namek. Si là je me cours après, c'est pour vous montrer qu'on peut faire de belles choses avec. Investir aux deux belles et voyants, baiser les plus belles femmes. Mettre la famille à l'abri de la pluie. Je vois dans le ciel des avions qui bombardent. Faire un enfant dans l'amour, c'est rare, c'est pour la conduite parentale. Ne me compare pas à tous ces rats qui nous mettent plus la mentale. Dans les larmes de nos mères, c'est la noyade, mais je garde l'instinct de survie. J'en ai fait des choses incroyables, à se demander comment je suis en vie. C'est juste très haut, c'est juste Allah, sa miséricorde me protège du mal. Les occidentaux déversent Ebola pour que l'Afrique reste derrière Obama. Moi je parle vrai, toi tu parles faux, tu t'es détourné frère. J'suis pas l'imparfait, mais si j'ai l'oseille, j'peux te prendre dans le vrai. La queue de... mon homme ne suis plus mes gestes. J'ai fait du 15 piges dans ce rap de merde, sans jamais retourner ma veste. Le palafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. Le palafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. T'avais tiré sur Watt, j'en attendais pas plus que ça. Le balafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. Les Péruviens ramènent la pure, donc obligé d'inonder le terrain. Inonder le terrain. Les coffres sont pleins, l'oseille n'attend pas, faut se lever tôt le matin. Ça carotte, ça carotte. C'est pour ça qu'ils partent tous des cuisines. Ça zozote, ça zozote. Dès que tu leur cales un date avec l'usine. Ils parlent tous de se taper. Pourtant on sait tous que c'est des tapettes. Tu sais on devrait tous les mettre le vrai. Le clash aujourd'hui ça peut faire recette. Eh ouais ma gueule. Quand tu es toujours précis comme un mec de trap. Fais du rap et des sables, c'est ce que j'ai dit à la Jap. Elle m'a dit tiens toi ça, sinon ton destin des rap. Et je m'en tape, je veux leur faire du sale. Dans ton visage, je me tape un comico. Faire du sale. Je me mets sur leur côte, en bas de chez eux, je leur sucerai les os. Faire du sale. En duo, en trio, toujours un gun dans la cage de la Clio. Faire du sale. Dans le game trop de gringo, faites de la place à l'équipe à Pequeño. Le palafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. Général. Le palafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. Général. Hier, ça avait tiré sur moi, je n'attendais pas plus que ça. Le palafré m'envoie du sale, donc obligé de faire du sale. Jure. Elle renaît. Bang bang. Je suis une légende, le 20 avril dans les bacs, le 20 avril dans les bacs. Je suis une légende. Aïe. Monstre marin, Mac Taylor. Donc obligé de faire du sale. Pas de manécie quand ça paiera. Sur un scooter puissant que des pirates. Empêche-moi de graille, ça rafale, aïe. Prêt pour la troisième guerre mondiale. Aussi bordélique que ne plus de cintre. Je ne mens pas, je ne fais pas de feinte. Roule doucement, baisse la vie frérot. J'aime son cul, j'aime ses gros seins. Toute ta vie dans la bibi frérot. Chagrin dans la bibine frérot. Tout le monde se baisse pourtant les gangsters sont tous des soi-disant hétéros. Tu me dois des pesos pélo. Neuf double M dans la bouche d'un pélo. Tu me fais du sale, je te fais du sang pélo. Tu me fais du charme, je te fais du sale à terre. Un général niqué. J'ai l'impression que le général est très en forme. Il est très en forme. Je crois qu'il est très en forme. Il est très en forme. Il est très en forme. Ça sort le 20 avril. C'est un général. Il est une légende. Je suis une légende. C'est le nom de cet album. Mac Taylor à suivre et on en parlera aussi tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. La tournée de Gims aussi à partir du 12 novembre. Je rappelle que si vous envoyez les photos de vos places de concert avec vous, c'est mieux. Photos de la place de concert en selfie. Vous avez le droit au full access. Alors qu'est-ce que le full access? J'ai posé la question. Qu'est-ce que le full access? Full access, c'est simple. T'arrives, tu regardes le show, tu kiffes, tu dis bah tiens, j'ai envie d'aller au catering dans les loges. J'ai envie de bouffer. Je suis full access, je passe tranquille, je suis full access quoi, j'ouvre le frigo, voilà. Tu peux ouvrir le frigo avec le full access. Et ça, c'est à chaque fois deux par date, ça veut dire qu'il y a deux personnes qui sont choisies pour avoir ce fameux full access, le pouvoir d'ouvrir le frigo. Et donc, tirage au sort vendredi dans l'émission, envoyez vos photos à l'adresse suivante, c'est planetrap@skyrock.com. planetrap@skyrock.com. Les captures d'écran, on va aussi, hein, si vous avez acheté sur le net, pas de problème, capture d'écran à l'adresse planetrap@skyrock.com. Avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre la tournée de Black M dans toute la France. Morgane de Rouen, ça va bien Morgane? Oui, ça va. Et bien, bienvenue dans ce Planet Rap avec Mac Taylor, avec Maître Gims et avec toi Morgane. Salut tout le monde. Tu es prête à faire tourner la roulette, on y va? Ah oui, je suis prête là. Allez, on la lance, c'est parti. Et la roulette qui va s'arrêter sur... Eh ben voilà, Black M en tournée. Ah, merci. Qui merci, passe près de chez toi, du côté du Havre. Tu y seras, ouais, il y a deux places qui t'attendent, Morgane. Ah, c'est cool. Vous êtes trop cool. Skyrock, je vous écoute depuis longtemps et franchement, continuez, vous vous déchirez. Eh ben merci à toi, Morgane. On te fait des bisous. Passe une bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Merci à vous deux, messieurs. Merci à toi, frère. Demain, de retour entre 20 et 21. Ouais. Okay. C'est-à-dire que tu vas retourner mixer. C'est ça. C'est la guerre. Il faut rendre des éléments. Qu'est-ce qui se passe pour toi là dans les jours, dans les heures qui viennent? Non, ouais, plutôt tranquille. On prépare, comme j'ai dit, ceci n'est pas un clip, partie 7. Pas Ramsès. Donc, guettez le net, guettez les écrans. Tranquille, ça arrive. Et le clip aussi, laisse-moi te dire, qui arrive vendredi prochain. Ouais, c'est pas vendredi, la semaine prochaine. Ouais. Voilà. Laisse-moi te dire, les images débarquent la semaine prochaine, vendredi. Et merci à vous deux. En tout cas, demain, le retour de Planet Rap un petit peu avant 20h. Et là, c'est l'heure de retrouver D-Fool maintenant. Mais oui, on est là. Oui, Fredo. Comment va Fredo, ah, Mac Taylor, Maître Gims? Ça donne envie d'écouter l'album, de retrouver tous les sons que vous faites. Ouais, c'est clair. Ça va. Ça va, tu es où, D-Fool? Tu es tombé? Non, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai passé mon micro. Ah ouais, c'est ça. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Il est tombé, on l'entend plus. Je sais pas, mon micro clignote, c'est quand même. Il doit brancher. Ah, c'est ça, ça clignote. Ouais, ça recommence. Ah, c'est super. Ah, mais ça le fait tout seul en plus. Ah non, c'est quand je touche au mien, gros. Ah, bon, quand Karim appuie sur son bouton, ça a été assez. Bah oui, c'est normal. C'est tout à fait logique. La technique a fait des prouesses. Donc en fait, c'est une émission avec des trous dedans. Il faudra trouver les mots manquants dans ce que je vais vous dire ce soir. Rien de plus normal. Tout est logique. Les mecs, ils déchirent. Ouais, toujours 0-0 pour Mali face au Cameroun. Je dis ça pour Mac Taylor qui suit attentivement le résultat. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Mac Taylor, pour l'instant? On aura la victoire. Avec Camerounais, hein, donc, je précise. Je n'ai aucune inquiétude. D'accord, confiant en équipe du Cameroun. Ah. Très bien, bon, on va gagner, suivre ça. Même si j'ai mes petits refrains là du quartier, il y a quelques liens, moi, ici. Quelques maliens dans le studio aussi. Ah, c'est ça. On va le terminer, hein, Mamoudou, hein. On va le terminer. Ils n'ont pas l'air tout à fait d'accord. Non, mais ils ne la ramènent pas trop, par contre. Hein. Bon, merci en tout cas à Gims, merci Mac Taylor pour ce grand Planet Rap. Merci. Soyez là demain, hein, loupez pas, 20h-21h, ça permet de retrouver plein de morceaux, des morceaux qui ont fait votre carrière, enfin votre carrière, j'aime. Exactement. Oui, ça en fait partie, tu as raison. On peut le dire. Non, mais j'ai l'impression d'être un peu Michel Drucker quand je dis ça. Non, tu n'es pas Michel Drucker. Non, c'est le canapé, on y est. Carrière. Bon, Mac Taylor et Gims, demain soir, le retour. Tiens, un petit blind test, on va voir lequel est le plus rapide. Écoutez bien ce son, on nous dit ce que c'est. Bon. Vous voulez pas avoir trop de problèmes, juste pour savoir si Mac Taylor est plus rapide que Fred et plus rapide que Maître Gims. Écoutez. Alors, on se fait du mal. Bien joué, Fredo. Ouais. Il est fort, il fait chaud. Il est toujours ici, wesh. Il a grillé tout le monde. Ta réputation était en jeu. Ça nous a planté. Et alors, Gims, un petit coup bas. En deux notes, quoi. Un petit coup d'absence et hop. Ouais, ouais. Bravo, Fred. Black M. On n'est pas le. Ouais, Black M qu'on va retrouver tout de suite, là. On n'est pas plein d'être rappeurs comme ça, Fred. C'est vrai. Ouais, ouais. Quel talent. Il y a de l'oreille. Malgré ce qu'on peut en dire. Il y a du nez aussi chez Fred. Oui, aussi. On est bien servi là-dessus. Ah ouais, ça va. Bon, ben oui, c'est vrai, Skyrock, c'est. Ah bah, on peut faire équipé, des dons. Équipé, quoi. Hein. Oui. S'il y a des problèmes, on peut faire des dons. Hein. En tout cas, on est là jusqu'à minuit, nous, pour la Radio Libre. Vous pouvez nous appeler dès maintenant, 01 53 40 30 20. Toute l'équipe est là, ou presque, mais je vous explique tout dans un instant. Et puis, Black M arrive, ça c'est sûr. On le retrouve avec On se fait du mal. À demain, Games. À demain, Mac Taylor. Ciao, ciao. Et à demain. Ciao, à demain. Ciao. Ciao.